Les Visions par Philippe Gerfaut. Trois jeunes gens de bonne mine et à coup sûr de bonne famille déjeunaient à la table d'un restaurant à la mode à Paris. Les passants leur inspiraient les plus gais quolibets. Lorsque leur gaieté prit fin à la vue d'un magnifique enterrement qu'escortaient une vingtaine de voitures et plus de 100 personnes à pied. En tête, le clergé suivait le mort, traîné par deux chevaux qui portaient son deuil avec des housses noires étoilées d'argent. La bière était couverte de fleurs. En suivant le défilé, l'œil passait successivement des personnes qui pleuraient à celles qui gardaient un silence décent, de celles-là à celles qui causaient affaire, et terminait sa revue par un groupe joyeux qui riait presque franchement. « Quelle abominable chose que la mort !» dit Julien. « Cela fait horreur à la nature humaine. La pensée que l'on va mourir un jour gâte toute la vie. Avoir été une intelligence, avoir eu une histoire, avoir été utile, avoir été aimé, et avoir pour fin un petit coin de cimetière, une tombe plus ou moins entretenue et la compagnie des vers. Si vous étiez comme moi, dit Karl, l'étudiant en médecine, la mort ne vous impressionnerait pas. Je dissèque des cadavres, je vois mourir des gens dans mes mains, tout comme si j'étais un vrai médecin. Je dors avec une tête de mort suspendue au chevet de mon lit. Enfin, on me demanderait d'habiter un cimetière, que cela me serait parbleu bien égal. Je suis de l'avis de Julien contre Karl, dit Ernest. Je pense aussi que la mort fait horreur à la nature humaine, et qu'un homme ne pourrait habiter un cimetière sans devenir bientôt un des habitants de ses souterrains, ou sans devenir fou de terreur. J'en prendrai un exemple. Dans ma famille, malheureusement, j'avais une sœur qui n'était point peureuse comme les autres femmes. Elle nageait, montait à cheval, elle avait fait des voyages en mer, des voyages en chemin de fer. Elle ne craignait ni les chiens féroces, ni les araignées, ni les souris. Elle dormait dans une maison de campagne, point close, sans se soucier des voleurs. Enfin, elle était intrépide et mettait un peu de vanité à vanter cette qualité virile qu'elle possédait réellement. Quelqu'un la défia d'aller seule la nuit dans le cimetière de notre petite ville et de planter un bâton sur le plus haut point. Ma sœur saisit le bâton et s'en alla comme un chevalier avec sa lance au poing. Elle partit seule au milieu de la nuit. Il y avait 20 personnes, hommes et femmes, qui l'avaient poussé à cette folie et qui attendaient son retour. On attendit 1 heure, 2 heures, ma sœur ne revenait pas. Cela était effrayant. Les plus braves proposèrent d'aller voir de compagnie ce qui lui était arrivé. Beaucoup dirent qu'au matin il ne demanderait pas mieux que de se rendre au cimetière, mais qu'il était tard et qu'on devait se coucher. Enfin, il resta 8 hommes, plus hardis ou plus vaniteux que les autres, point de femmes, et l'on partit en bataillon serré, oh, très serré. On passa par la même brèche que la jeune fille avait franchie. Sous prétexte de mieux la chercher, on avait pris des lanternes qui vacillaient dans les mains de leurs porteurs effrayés. On arriva au plus haut point du cimetière, où se trouvait une croix, et l'on trouva ma sœur évanouie, presque morte. Il ne lui était pourtant rien arrivé que de très simple. En enfonçant le bâton dans la terre, elle y avait enfoncé le bas de sa robe. Elle se crut arrêtée par un mort et tomba évanouie. Depuis ce temps, ma pauvre sœur ne fut plus la même. Elle déraisonne parfois, elle est nerveuse, sensible au moindre bruit, sa santé est profondément ébranlée. « C'est une femme, » dit Karl en haussant les épaules, en témoignant le mépris d'un étudiant en médecine pour cette créature, inférieure à l'homme par les organes et par le cerveau. « Je suis un homme, » dit Julien, et je vais te citer un fait analogue. Ma mère est morte avec la réputation d'une sainte. Quand on l'a enterrée, le curé qui l'avait assistée à ses derniers moments m'a dit « Mon enfant, il est à craindre que nos paysans, superstitieux comme on l'est dans le Midi, n'ouvrent sa sépulture pour prendre ses reliques. Quand ils font cela, ils le font dans les 10 jours qui suivent la mort. Si je n'étais mordu de gouttes et dévoré de rhumatisme, je vous offrirais de faire cette sainte veillée. » Au milieu de tous ces morts sur lesquels mes prédécesseurs et moi avons chanté le De Profundis. Je pris la parole en protestant que mon devoir de fils m'obligeait bien avant monsieur le curé. Pendant 9 nuits, je gardais la tombe de ma mère, ressentant trop la douleur pour songer à l'effroi. Ce ne fut qu'à la 10e qu'arriva l'accident. Saisi par le froid de la nuit, je me levai pour marcher et me réchauffer. Mais au premier pas que je fis, je me sentis retenu par le pan de ma redingote. Si l'on peut être évanoui en restant debout, glacé en ayant du sang dans les veines, mort avec le cœur qui bat à rompre, j'éprouvais ces contrastes et ces phénomènes. Rien ne pouvait me faire douter que ce fût un mort qui m'arrêtait au passage. J'évaluai à 2 heures le temps qui s'écoula avant que j'osasse me retourner, et quand je le fis, m'attendant à trouver un bras de squelette accroché à moi, je trouvai un bras de Lacroix qui m'avait retenu. C'était bien simple, mais j'en étais bien ému. Je fis un pas, qui me précipita dans une fosse creusée depuis le matin, et je sentis une réelle étreinte qui m'enveloppait tout entier, une voix réelle qui me criait « Je te tiens, je ne te lâcherai plus ». Il y avait de quoi mourir. Le corps de cet être que j'imaginais fantastique ou diabolique serrait mon corps, ses mains se crispaient à ma gorge, je fus renversé, couché dans la fosse, et les deux cruelles mains renversaient la terre sèche sur moi avec une rapidité effrayante. Ce devait être l'ombre d'un fossoyeur, qui accomplissait, même après la mort, sa sinistre besogne. Les cailloux tombaient sur moi avec un bruit de collier qui se désenfile. Je criai de toutes mes forces et fus délivré par le bœuf de matinale qui arrivait à l'église avec ses grosses clés. Mon revenant était une folle en liberté dont on allait enterrer le mari le matin même. Évidemment, elle me prenait pour lui et y allait de bon cœur, afin de m'ensevelir au plus vite. « Eh bien, Karl, le raisonneur, que penses-tu de tout cela ?»« Je pense que vous êtes des esprits faibles. Sans la peur, rien n'est plus aisé que d'ôter son habit d'une branche qui la retient, ou que de terrasser une folle qui veut plaisanter. Vous êtes des superstitieux, des têtes malades. Je parie que vous croyez aux songes. »« Tu conviendras, dit Ernest, qu'il y en a d'étranges. Il y en a qui ne semblent pas provenir de l'imagination excitée, de l'estomac malade ou d'un matelas trop dur. » Il y a des rêves qui sont des pressentiments, des prophéties, ou qui tiennent de la seconde vue. Les cauchemars sont une singulière image de la vie. Ils cessent dès qu'ils vont tourner aux circonstances heureuses, tant il est vrai que le bonheur nous fuit toujours. Ils sont singulièrement logiques. Les gens qui y figurent comme sur un théâtre y conservent l'esprit de leur rôle, et leur conversation est identique à celle qu'ils auraient dans la vie réelle. Je ne rêverai pas de Karl sans lui prêter des propos matérialistes, et de ma sœur, sans lui prêter les paroles d'une dévote. Mais pour le surnaturel, je maintiens que les rêves en sont imprégnés. N'avez-vous pas rêvé l'un et l'autre que vous aviez des ailes, et que vous parcouriez de grands espaces, et cependant vous n'avez pas un commencement d'ailerons dans le dos ? Puisque la médecine est si savante, dit Julien, elle devrait nous procurer, avec des drogues plus inoffensives que le haschich, des rêves dorés comme les richesses de Plutus, comme le trône des rois, ou bleu et peuplé comme le paradis de Mahomet. Remarque-le, Karl. Un homme de 80 ans n'en a vécu que 40, puisque sa vie n'est active que le jour et passive la nuit. Ce serait doubler la vie humaine que d'y ajouter la nuit pensante et heureuse, pendant que l'autre moitié de l'existence serait consacrée à l'ennui, qui est à l'esprit ce que la misère est au corps. Cerveau faible, répéta l'étudiant en médecine. Si vous aviez eu mon cauchemar la nuit dernière, vous seriez pétrifié, anéanti, et moi, je mange, je fume, je ris. J'ai donc rêvé que j'avais au-dessus de l'œil une tache de sang. Je faisais de vains efforts pour l'effacer, comme Lady Macbeth avec la tache imaginaire de ses mains, comme la femme de barbe bleue frottant de cendre les clés confiées à sa garde. Une voix me criait « Si tu n'effaces pas cette tache, tu seras tué. » Mais la tache ne voulait pas s'en aller. Voilà qui vous effraierait. Pour moi, mes enfants, je pense que tout cela n'est que sottise. Mais voici l'heure de mon cours, je vous quitte. » Les trois amis se dispersèrent. Mais le lendemain, d'assez bonne heure, Karl se rendit chez Ernest où il trouva Julien. « Je suis bien aise que vous soyez réunis, leur dit-il. Je me bats demain. » Une discussion au café avec un tudesque. Si je le tue, j'espère que la France sera reconnaissante, vous serez mes témoins. « Certainement, » dit Julien, répondant pour son ami et pour lui. « Mais qu'est-ce que cette bande noire que tu as au-dessus des yeux, Karl ? Ce n'est rien, mon ami, c'est un cadeau de l'un de mes malades d'hôpital. Il y avait une opération à lui faire pour sauver sa vie. Je le lui annonce avec toute la douceur possible en préparant les instruments de son salut. Je lui aurais construit le radeau de la Méduse en plein naufrage qu'il n'aurait pas dû être plus reconnaissant. Je lui demande, « Êtes-vous prêt ? » Il me répond qu'on met le pauvre peuple à l'hôpital pour le faire mourir. et me jette des ciseaux ouverts à la figure. Il pouvait m'éborgner. Il n'a endommagé que la pureté de mon front. C'est peu de chose. Karl fut très gai toute la journée et toute la matinée suivante. Convenez avec moi que vous ennuieriez beaucoup aujourd'hui. Sans ma gaieté, vous laisseriez joliment tomber la conversation. Ernest essaya de sourire. Tu es adroit ? Demanda-t-il. Je me suis exercé toute la journée d'hier. Et l'on m'a appris à l'épée trois coups certains, avec lesquels j'étais embroché trois fois. C'est pourquoi j'ai choisi le pistolet. Ce doit être moins difficile de viser que de faire railler. Julien était agité. Il n'osait parler à Karl du rêve sinistre raconté la veille. As-tu lavé de la blessure ? Dit-il. C'est-à-dire, l'as-tu effacée ? Dit Karl, devinant très bien sa pensée. Tu te souviens du rêve, niais que tu es. Jamais je ne serai si superstitieux. Fourre-toi dans la tête que le tudesque me blessera tout au plus au genou. Il est affreusement petit. L'entrain de Karl dura jusqu'à la fin. Il fit sa toilette très soigneusement et remit à ses amis des lettres pour sa famille. C'était un beau garçon, taillé en athlète. Il était bon et sympathique. Son intelligence était remarquable et on le disait déjà chirurgien habile. Il se tâta le pouls en riant. Il ne battait pas autrement que d'habitude. Les témoins choisirent le terrain, réglèrent les distances et chargèrent les armes. Karl avait ôté son bandeau noir. Comme la blessure saignait, il mit un peu de charpie qui devint rouge aussitôt. Les deux amis sentirent leur cœur se serrer. Ce point sanglant se détachait comme un point de mire sur sa figure pâle. On donna le signal. Les combattants tirèrent en même temps. Karl tomba. « Seulement blessé, n'est-ce pas ? » s'écria Julien. « Mort, » dit le médecin. Et chose curieuse, la balle atteint la place même de la blessure qu'il avait au front. Ainsi s'achève Les Visions par Philippe Gerfaut.